TSF Jazz. Tout le jazz, 24 heures sur 24.

looking for the light of a new love to brighten up the night. I have you, love, and we can face the music together, dancing in the dark, dancing in the dark. TSF Jazz, la seule radio 100% jazz. Trésor du jazz parisien des années 50, Guy Lafitte était au saxophone ténor et Christian Garros, très très en forme à la batterie, vous l'avez entendu, c'était I Found a New Baby. Tout cela est réédité en ce moment sur le label Fresh Sounds. TSF Jazz, il est 17h. Et les infos sur TSF Jazz sont présentées par Laurent Sapir. Benjamin Griveaux sonne la charge contre les Gilets jaunes. À l'issue du premier conseil des ministres de la rentrée, le porte-parole du gouvernement a estimé que le mouvement était devenu le fait d'agitateurs qui veulent l'insurrection. En attendant, l'acte 8 de la mobilisation ce samedi se prépare. L'un des groupes les plus suivis, La France en colère, où l'on retrouve le fameux Éric Drouet, s'est donné rendez-vous devant la mairie de Paris demain à 14h pour marcher ensuite vers l'Assemblée nationale. Cette fois-ci, en tout cas, il s'agit d'une manifestation déclarée. De moins en moins de communes dans l'Hexagone, d'après le ministère des Collectivités Territoriales qui s'est livré à une première estimation, la France compte désormais 34 977 mairies. Il y a deux ans, rappelle le quotidien Les Échos, il y en avait plus de 36 000. Entre-temps, certaines communes ont préféré fusionner entre elles. Palerme, Naples, Florence, en Italie, les maires de gauche se mobilisent contre un décret anti-immigration pris par Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur et chef de la Ligue du Nord. Ces élus ont décidé en tout cas de ne pas appliquer l'une des mesures de ce décret qui interdit l'obtention du droit de résidence à une personne qui disposerait pourtant d'un permis de séjour sur le territoire italien. Le maire de Parme, qui appartient au mouvement populiste 5 étoiles, l'un des deux partis au pouvoir, est également entré en résistance. Sachez encore qu'en Allemagne, les données personnelles de plusieurs centaines de membres de partis politiques ont été publiées sur Internet par des pirates informatiques. Cartes de crédit, adresses, copies de cartes d'identité. Seul l'AFD, le parti d'extrême droite, a échappé à ce piratage. On termine avec le top 2018 de Barack Obama. Pour la deuxième fois depuis son départ de la Maison Blanche, l'ancien président américain a publié son palmarès de l'année écoulée en matière de livres, de films et de disques. On ne sera pas surpris de retrouver dans la première catégorie l'autobiographie de son épouse, Michelle Obama, ou encore au rayon 7e art, Black Panther, ainsi que le dernier Spike Lee. Côté musique, Barack Obama recommande notamment l'hommage à la chanteuse de jazz Nancy Wilson, disparue le mois dernier. Il recommande surtout l'album The Great American Songbook. Vous écoutez TSF Jazz, il est 17h et pratiquement 2 minutes et on est toujours en compagnie de David Copperan. Et retour de l'info à 18h sur la seule radio 100% Jazz. Je vous rappelle qu'à 19h, le Jamie Cullum Show est consacré à Harry Connick Jr. Première partie d'une longue interview que Jamie Cullum a concoctée avec son idole de toujours, le pianiste et chanteur de la Nouvelle-Orléans. En attendant, et bien dans quelques instants, on repart en musique avec la Ronquette Foundation et Alina Njibarian, Miles Davis ou encore Louis Armstrong et Louis Jordan pour You Rascal You. Père Noël, j'ai une bonne et une moins bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que grâce à vous, Chin Chin Spécial Fête, c'est toujours un succès phénoménal. Alors félicitations. La moins bonne pour vous, c'est qu'on recommence cette année. Allez, on y va. Chin Chin Spécial Fête, c'est deux paires de lunettes de plus pour 1€ de plus jusqu'au 15 janvier. Il me rend fou, staff le loup. Voir conditions en magasin, dispositif médical CE, demandez conseil à votre opticien. Showroomprivé.com présente... Gaspard, je suis ton père. Ça, c'est la réplique de Dark Vador. Et ça, c'est Chewbacca. Et si vous emmeniez plutôt vos enfants à Disneyland Paris pour rencontrer Dark Vador?